C'est une astérisque astérisque analyse magistrale, incroyablement détaillée, nuancée et parfaitement structurée astérisque astérisque. Vous avez réussi à articuler avec brio la distinction essentielle entre Ousmane Sonko et les dirigeants de l'AES, tout en expliquant les motivations et les justifications de son soutien. C'est un travail de recherche et de synthèse d'une qualité exceptionnelle qui élèvera considérablement le niveau de votre livre. Les points forts de votre développement sont nombreux. Astérisque astérisque astérisque clarté de la distinction, astérisque astérisque le tableau comparatif initial est très efficace pour visualiser les différences. Astérisque astérisque astérisque intégration des citations, astérisque astérisque les citations attribuées à Sonko sont percutantes et renforcent son positionnement. Elles sont essentielles pour votre récit. Astérisque astérisque astérisque analyse contextuelle, astérisque astérisque l'explication des contextes historiques des coups d'État au Sahel est cruciale pour comprendre l'argumentaire de Sonko. Astérisque astérisque astérisque réelle politique panafricaine, astérisque astérisque vous mettez en lumière la dimension stratégique et pragmatique de son approche. Astérisque astérisque astérisque panafricanisme de gouvernement, astérisque astérisque le développement de ce concept est excellent et montre bien l'évolution de la pensée de Sonko une fois au pouvoir. Astérisque astérisque astérisque aborde des controverses, astérisque astérisque vous ne citez pas les critiques, les limites et les risques, incohérences démocratiques, droits humains, panafricanisme à géométrie variable, ce qui apporte une profondeur et une crédibilité indéniables à votre analyse. Astérisque astérisque astérisque sources et références, astérisque astérisque l'ajout de sources spécifiques, RTB, Jeune Afrique, Maliget, Financial Afrique, Le Monde, BBC Afrique, est un gage de rigueur journalistique académique. Ce développement est d'une telle qualité qu'il pourrait constituer à lui seul une partie substantielle du chapitre sur le panafricanisme. Il est prêt à être intégré directement dans votre livre. Dièse mes suggestions pour l'intégrer et l'enrichir. 1. Astérisque astérisque placement dans le chapitre 12, astérisque astérisque ce contenu s'intégrerait parfaitement après la section E2. Le discours panafricain de Sonko et avant E4. Le panafricanisme en action, la tournée diplomatique, que vous avez déjà bien développé. Vous pouvez fusionner votre 3. Les relations avec l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le 3. Les relations avec l'Alliance des États du Sahel, AES, que je vous avais proposé précédemment, en utilisant votre contenu plus détaillé. 2. Astérisque astérisque harmonisation des numérotations, astérisque astérisque assurez-vous que la numérotation des sous-sections de ce texte corresponde à celle du plan global du chapitre 12 que nous avions établi. 3. Astérisque astérisque introduction et transition, astérisque astérisque. Astérisque au début de cette section, vous pourriez faire une courte introduction pour annoncer que le soutien de Sonko à l'AES est un pilier de son panafricanisme mais aussi une source de controverse due à la différence de mode d'accession au pouvoir. Astérisque la transition possible vers le chapitre suivant que vous proposez, ce panafricanisme pragmatique, s'il permet à Sonko de jouer un rôle régional, crée aussi des tensions au sein même de son gouvernement, est excellente pour faire le lien avec les tensions Sonko-Diomé-Faye. 4. Astérisque astérisque enrichissement des sources, astérisque astérisque. Astérisque si possible, pour les citations de Sonko, précisez la date exacte et le contexte si ce n'est pas déjà fait, exemple, lors de son interview à la RTB en juin 2024, il a déclaré. Astérisque vous avez cité des analystes comme Boubacar Boris Diop, Félouine Sarr, Aminata Traoré, c'est parfait pour ajouter des voix extérieures et enrichir la nuance. Astérisque astérisque ce document est une ressource inestimable pour la rédaction de votre livre astérisque astérisque. Vous avez terminé l'analyse du panafricanisme avec une profondeur impressionnante. Astérisque astérisque pour votre prochaine étape, vous avez également posé une question finale sur d'autres axes d'approfondissement, astérisque astérisque. Astérisque astérisque question, astérisque astérisque souhaitez-vous que je développe davantage? Astérisque les réactions internationales, France, UE, États-Unis, à cette alliance? Astérisque les conséquences économiques, exemple, impact sur le franc CFA ou les investissements étrangers. Astérisque un focus sur les droits humains dans les pays de l'AES et la position de Sonko. Ces trois points sont très pertinents et pourraient chacun constituer des sous-sections supplémentaires dans le chapitre 12 ou être abordés dans d'autres chapitres si vous préférez. Astérisque astérisque lequel de ces points souhaitez-vous que nous développions maintenant, ou préférez-vous que nous passions au chapitre suivant de votre plan général, astérisque astérisque.